Chapitre 34e. Mensonge et vérité. Supporter ce coup mieux qu'on ne pouvait s'y attendre était un terrible effort pour Marguerite. Parfois, il lui semblait qu'elle ne pourrait y résister. Il se sentait tenté de jeter les hauts cris lorsque, même au milieu d'une conversation paisible en apparence avec son père, son esprit était traversé de l'idée que désormais elle n'avait plus de mère. Elle avait aussi de graves inquiétudes sur le sort de Frédéric. Le dimanche retardait nécessairement d'un jour la lettre qu'elle attendait, mais le courrier du mardi n'apporta point de nouvelles. Elle était donc dans la plus profonde ignorance des démarches, des projets de son frère, et son père était désolé de cette incertitude. Il fit trêve à l'habitude nouvellement prise de rester languissamment étendu dans son fauteuil pendant la plus grande partie de la journée. Il marchait à grands pas dans l'appartement, puis il en sortait, et Marguerite l'entendait ouvrir et fermer les portes de toutes les chambres de la maison sans aucun but apparent. Elle essaya de le tranquilliser en lui faisant une lecture, mais évidemment il ne pouvait l'écouter longtemps. Combien elle se félicita alors de lui avoir caché la rencontre avec Léonard. Enfin, au plus fort de l'agitation de son père, on annonça Mr. Thornton, et Marguerite s'en réjouit, car nécessairement sa visite donnerait un autre cours aux idées de Mr. Hale. Le visiteur s'avança droit vers celui-ci et lui prit les mains, qu'il serra dans les siennes sans prononcer une parole. Mais son visage et ses regards indiquaient plus de sympathie que n'en auraient pu exprimer tous les discours du monde. Ensuite, il se tourna vers Marguerite. Sa mine n'était pas meilleure qu'on aurait pu s'y attendre. Son imposante et fière beauté avait presque disparu sous les larmes et les insomnies. L'expression de sa physionomie était celle d'une douleur patiente mais profonde, et son visage portait les marques d'une souffrance matérielle. Il s'était promis d'aborder la jeune fille avec la froideur étudiée qu'il employait depuis quelque temps dans ses rapports avec elle, mais il ne put s'empêcher, lorsqu'il la vit retirée dans l'enfoncement et intimidée par ses manières glacées, de lui dire quelques mots obligés de doléance, d'une voix où perçait encore tant de tendresse, que les yeux de Marguerite se mouillèrent de larmes et qu'elle se détourna pour cacher son émotion. Elle prit son ouvrage et resta assise sans parler. Le cœur de Mr. Thornton battait vite et fort, et pour l'instant, il oublia complètement la scène d'Outwood. Il essaya de converser avec Mr. Hale, et sa présence, toujours agréable à ce dernier, à cause des opinions énergiques et décidées de son interlocuteur, fit grand bien au père de Marguerite. Au milieu de la visite, Dixon ouvrit la porte et dit « Miss Hale, on vous demande ». Elle semblait si agitée que Marguerite en eut un sinistre pressentiment. « Il est arrivé malheur à Frédéric, » pensa-t-elle. « Il est heureux pour moi que mon père soit si occupé de sa conversation avec Mr. Thornton. »« Qu'est-ce, Dixon ?» demanda-t-elle aussitôt qu'elle eut refermé la porte du salon. « Par ici, miss, » fit Dixon en ouvrant la chambre de Mrs. Hale, avant celle de Marguerite. Car après la mort de sa femme, Mr. Hale avait refusé de l'habiter. « Ce n'est rien, miss, » continua-t-elle d'une voix étranglée. « Ce n'est qu'un commissaire de police. » Il demande à vous voir, mais ce n'est sans doute rien de sérieux. « A-t-il nommé mon frère ?» demanda Marguerite d'une voix presque inintelligible. « Non, miss, il n'a pas prononcé d'autre nom que le vôtre. Il a seulement demandé si vous demeuriez ici et s'il pouvait vous parler. C'est Marthe qui a ouvert la porte. Elle l'a fait entrer dans le cabinet de monsieur. J'ai été lui parler moi-même, espérant que cela suffirait. Mais non, c'est à vous positivement, miss, qu'il a affaire. » Marguerite descendit sans rien dire jusqu'à la porte du cabinet, puis, comme elle tournait le bouton, elle dit à Dixon « Surtout, veillez à ce que papa n'entre pas ici. Mr. Thornton est avec lui dans ce moment. » Le commissaire fut presque intimidé par la façon hautaine dont elle fit son entrée. Il y avait sur sa physionomie une indignation contenue qui lui donnait un air de superbe dédain. Son visage ne trahissait ni surprise ni curiosité. Elle attendait, sans faire aucune question, qu'il lui expliqua le motif de sa visite. « Excusez-moi, madame, mais mon devoir m'oblige à vous demander quelques renseignements. Un homme vient de mourir à l'hospice des suites d'une chute qu'il a faite à la gare de Outwood jeudi dernier entre 5 et 6 heures du soir. Cet accident ne paraissait pas d'abord devoir entraîner de si fatales conséquences, mais la maladie a été aggravée, à ce que disent les médecins, par l'existence intérieure d'un mal interne et par les habitudes d'intempérance de cet individu. » Les larges et noires prunelles fixées sur le visage de l'agent se dilatèrent légèrement. Aucun autre mouvement ne put être remarqué par l'œil observateur de celui-ci. La bouche de Marguerite était contractée et ses lèvres décrivaient, à cause de la tension des muscles, un arc plus courbé que d'ordinaire. Mais comme il ne connaissait pas leur expression habituelle, il ne put attribuer cette contraction à aucun sentiment intérieur. Elle ne pâlit pas, elle ne trembla pas, elle restait là, les yeux fixés sur lui, et voyant qu'il s'arrêtait un instant avant de continuer, elle dit, comme pour l'encourager à poursuivre, « Eh bien, après ?»« Il est probable qu'une enquête aura lieu. On soupçonne que le coup dont les autres ont amené la mort de ce pauvre diable avait été provoqué par son insolence envers une dame qui se promenait sur la plateforme et dont le cavalier a vraisemblablement voulu châtier son impertinence en l'envoyant rouler loin de là. Cette scène a été vue par quelqu'un qui n'a pas fait grande attention à ces détails que l'événement lui a rappelés. On a quelques motifs de penser que ces dames n'étaient autres que vous, mademoiselle. » « Je n'y étais pas, » dit Marguerite, ses yeux restant toujours fixés sur l'agent avec la vague expression d'une somnambule. Celui-ci salua sans dire une parole. La dame ne montrait ni crainte, ni émotion, ni anxiété, ni désir de terminer l'entrevue. Les renseignements qu'il avait reçus n'étaient nullement positifs. Un des gardiens qui se hâtait de se rendre à son poste pour l'arrivée du train avait vu de loin une rixe entre Léonard et un monsieur qui avait une dame à son bras. Mais il n'avait entendu aucun bruit, et tout aussitôt après le départ du convoi, il avait été presque renversé par Léonard à demi-ivre, qui courait comme un fou, criant et jurant d'une manière effroyable. Il ne s'était rappelé tout cela que lorsque l'agent de police était venu faire une espèce d'enquête sur les lieux. Ce dernier avait de plus appris du chef de gare qu'on avait vu, en effet, un monsieur et une jeune dame se promener à peu près à cette heure. La dame était d'une beauté remarquable, et un garçon épicier, qui se trouvait là, l'avait reconnue pour être Miss Hale, dont le père se fournissait chez son patron. Rien ne prouvait positivement l'identité de ce monsieur et de cette dame avec l'autre couple. Cependant, selon toute probabilité, les personnages étaient les mêmes. Léonard s'en était allé, à moitié fou de rage et de douleur physique, au cabaret le plus proche, pour y chercher le remède habituel à ses maux. Et les garçons n'avaient pas fait plus d'attention qu'à l'ordinaire à ces bruyantes divagations. Il se rappelait pourtant qu'au bout de quelque temps, il s'était levé subitement, se chargeant lui-même de malédictions pour n'avoir pas pensé plus tôt au télégraphe électrique, et il croyait que dans un dessein qui leur était inconnu, il était parti pour s'y rendre. Soit par l'effet de sa blessure, soit par celui de la boisson, il était tombé sur la route où il avait été trouvé par la police qui l'avait fait transporter à l'hospice. Là, il n'avait pas repris assez de raison pour pouvoir rendre compte de sa chute et des circonstances qui l'avaient accompagné. Une ou deux fois pourtant, il avait eu des moments lucides. On en avait profité pour mander le magistrat le plus proche afin de recevoir sa déposition. Mais lorsque le magistrat était arrivé, il délirait complètement, parlait de la mer, de la marine, et faisait un curieux mélange des noms de lieutenant et capitaine de vaisseau et de ceux de ses camarades, agents et gardiens de l'embarcadère. Ces dernières paroles formulèrent une malédiction contre l'auteur du mauvais tour qui l'avait enlevé, disait-il, 100 livres sterling d'un coup de filet. L'inspecteur de police ruminait toutes ces circonstances dans son esprit, le défaut d'évidence suffisante pour prouver que Marguerite eût été ce soir-là à la station, et la dénégation calme et positive qu'elle donnait à cette supposition. Elle restait là, debout, attendant la suite de l'interrogatoire avec une tranquillité en apparence imperturbable. « Alors, madame, vous niez avoir accompagné à la station du chemin de fer le monsieur qui, en frappant ou en poussant Léonard, a causé la chute et, par suite, la mort de ce malheureux ?» Une douleur aiguë traversa en même temps le cœur et le cerveau de Marguerite. « Oh mon Dieu, si je savais seulement Frédéric hors de danger !» pensa-t-elle. Un profond observateur de physionomie humaine aurait aperçu l'angoisse, semblable à celle d'une biche aux abois, qui passa un moment dans les yeux de la jeune fille. Mais l'agent était un fin et non pas un profond observateur. Il fut néanmoins frappé du ton et de l'accent de sa réponse, qu'on aurait cru être la reproduction mécanique de sa première dénégation et dont il n'avait même pas changé la formule de manière à l'adapter à la question. « Je n'y étais pas, » dit-elle lentement, avec ce regard vitreux de somnambule dont nous avons parlé tout à l'heure. Les soupçons de l'inspecteur furent éveillés par cet écho monotone de sa réponse antérieure. Il semblait que, s'étant forcé à faire un mensonge, il lui était impossible d'en varier la formule. L'employé de police prit son agenda et se mit d'une façon très délibérée à prendre des notes, puis il regarda Marguerite. Son attitude était toujours la même, elle n'avait bougé non plus qu'une statue égyptienne. « J'espère, madame, que vous ne trouverez pas mauvais que je me présente de nouveau chez vous. Je puis avoir à vous faire une sommation de vous trouver à l'enquête, et vous devez alors prouver l'alibi si mes témoins, un seul l'avait reconnu, persistent à affirmer que vous étiez présente lors de l'événement. » En parlant ainsi, il l'avait regardée attentivement. Elle n'avait ni rougi ni pâli. Il n'y avait pas une nuance de crainte ni d'inquiétude sur son visage fier. Il croyait qu'elle allait réclamer ou se plaindre. Il ne connaissait pas Marguerite Hale. Il fut lui-même intimidé de ce calme royal. « Bien sûr, il la méprise, » pensa-t-il, puis il reprit. « D'ailleurs, il est très possible que les choses n'aillent pas plus loin. J'espère que, dans tous les cas, vous me pardonnerez ce qui, dans l'accomplissement de mon devoir, pourrait vous avoir été désagréable ou même vous paraître impertinent. » Marguerite inclina la tête lorsqu'il fit mine de se retirer. Elle ne put même pas articuler les paroles ordinaires d'adieu. Mais soudain, elle s'avança devant lui, et lui ayant ouvert la porte du cabinet, elle le précéda jusqu'à celle de la maison, qu'elle lui ouvrit encore toute grande. Elle le suivit de son regard fixe jusque dans la rue. Ensuite, elle referma la porte, se dirigea vers le cabinet de son père, puis, à mi-chemin, retourna, comme mue par une impulsion soudaine, à la porte de la rue, à laquelle elle tourna deux tours de clé. Elle revint alors vers le cabinet, s'arrêta en y entrant, y fit quelques pas chancelants, s'arrêta de nouveau, tournoya un instant sur elle-même, puis tomba insensible sur le parquet.